sommes voleurs, nous sommes perdus. Nous faisons partie des oiseaux de nuit, du moins que rien, plus cher ou rien. Nous sommes voleurs aux heures perdues, par comme au cœur à votre insu. Je suis celui qui tend la main, toujours rien de plus qu'un sac à main. Et aujourd'hui, je suis comme je peux, un peu perdu, pas très glorieux.